tu veux te reproduire? Est-ce qu'on n'est pas bien tous les deux? Pourquoi tu veux qu'on devienne trois? Tu crois pas un peu trop en Dieu? Pourquoi les gosses ça te fait rêver? Alors qu'ici y a pas de pognon. J'ai jamais vu un gosse rêver en mangeant des pâtes et du thon. Pourquoi tu veux un beau mariage qu'on racontera pour être heureux? Pourquoi tu veux qu'on soit 300? Tu crois pas un peu trop en Dieu? Tes invités, ils me font déjà chier. Ils vont bouffer tout mon gigot. Je veux que mon champagne reste au frais. C'est ma réserve pour l'apéro. Tu veux qu'on déménage? T'espères quand même pas trouver mieux. Et puis si on les laisse tout seuls, mes pauvres parents vont se sentir vieux. Je suis jamais parti plus d'un mois. Alors t'imagines toute la vie. Peur qu'on retrouve pas notre équilibre, notre harmonie. Pourquoi est-ce que tu veux partir? C'est pas parce que c'est loin que c'est mieux. Les voyages, ça forme la jeunesse. Bon, là je t'arrête, je suis presque vieux. De toute façon, j'ai peur en avion. J'ai peur en skate et en bateau. J'ai peur en train et en camion. Et puis ici, tout est si beau. Je t'ai acheté un bouquet de fleurs. Est-ce qu'on n'est pas bien tous les deux? Je t'emmènerai à Luna Park. Faut qu'on profite avant d'être vieux.